Mosaïque. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette émission Mosaïque. Le débat porte aujourd'hui sur la problématique du code électoral à la veille des élections de 2025 et 2027. Un projet de loi y relatif a été présenté et adopté, bien sûr avec observations et recommandations en Conseil des ministres, tenu le 6 décembre 2023. Entre autres innovations pour ce projet, la caution pour les candidats à la présidentielle va de 30 millions à 100 millions de francs burundais, de 500 000 à 2 millions pour les candidats députés, de 400 000 à 2 millions pour les candidats sénateurs, de 0 à 200 000 francs burundais pour les conseillers communaux, pour ne citer que cela. Des politiques se lamentent et comme quoi la loi électorale tarde à être promulguée. Quelle serait alors cette échéance prévue pour la mise en place de ce code électoral? Sur quelle base légale travaillent aujourd'hui les politiques qui veulent participer aux prochaines élections? Comment se prépare-t-il? Quelle lecture face au projet de loi électoral déjà adopté au niveau de l'exécutif? Et comment procéder pour qu'il y ait des élections crédibles et dignes de nom en 2025-2027? Trois invités sont avec nous sur le plateau. Honorable Olivier Nkurunziza, le président du parti UPRONA, député burundais de la communauté est-africaine, bonjour et bienvenue. Bonjour, je salue mes amis ici qu'on va partager l'émission, mais aussi je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro. Merci. Honorable Sylvestre Bikolindagara, un des membres fondateurs, mais aussi membre du comité directeur national du parti Frodebou, bonjour. Bonjour, et je salue les camarades ici. Et je vous remercie d'avoir invité le parti que j'ai l'honneur de représenter. Et puis, il y a vous, Gilbert Beko Njangwa, représentant légal de l'ONELOP, Observatoire national des élections et des organisations pour le progrès. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Et je salue la population burundaise qui nous écoute. Mmh. La mise en place est assurée par le duo François Akimana et Innocent Bibonimana. Réalisation de Médard Niyonkuru. À la présentation, vous retrouvez Léonce Bitario. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Question d'abord aux deux responsables politiques ici présents. Sur le plateau, Olivier Nkurunziza de l'UPRONA et Sylvestre Bikolindagara du parti Frodebou. Est-ce que votre parti est bien partant pour les rendez-vous électoraux 2025-2027? Je commence par vous, monsieur le président du parti UPRONA, Olivier Nkurunziza. Au niveau du parti UPRONA, d'abord, je profite de cette occasion pour informer la population burundaise et l'opinion internationale que le parti UPRONA participera dans les élections prochaines de 2025. Vous savez que depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui, le parti UPRONA a tout participé. Je ne vois pas la cause alors qui peut venir pour nous empêcher à participer dans les élections. 2027, c'est l'élection présidentielle unique. Vous avez déjà, vous rêvez à voir un candidat. Un parti politique qui ne veut pas accéder au pouvoir à travers les élections, il sera un parti qui a raté déjà son objectif. Alors le parti UPRONA participera dans toutes les élections de 2025 et 2027. Honorable Sylvestre Bikolindagara du parti Sorania Frodebou, vous êtes partant. Frodebou est-il partant pour ces deux rendez-vous électoraux 2025-2027? Nous sommes partants pour les deux élections. Les deux échéances. Les deux échéances, je veux dire. Mmh. Et pour 2027, vous avez posé la question si on devrait présenter un candidat. Là, je ne peux pas répondre pour le moment. Mais on va participer aux élections. Et pour 2025, là, vous aviez commencé par dire si on est bien partant. Bien, c'est trop dire. Je serais en train de mentir parce qu'il y a des bases dont l'on ne dispose pas, notamment les textes qui régissent ces élections. On va y arriver peut-être. Et vous travaillez sur quelle base légale aujourd'hui pour vous préparer à ces élections? Il y a le code électoral de 2019, celui qui a été adopté en Conseil des ministres début décembre 2023, c'est quelle base légale qui vous régit aujourd'hui? La base légale sur laquelle nous nous basons, c'est juste la Constitution aujourd'hui. Le Front Debout veut dire Front pour la démocratie au Burundi. Il a joué un grand rôle pour le retour aux élections. Donc nous sommes partant pour ces élections. Mais base légale comme loi électorale, ça, on n'en a pas encore. La loi. Nous, on est qu'elle est en train d'être modifiée, mais on manque de ces textes. Donc vous estimez qu'il y a un manque par rapport au texte? Absolument, il y a un grand manque parce que ça fait longtemps que l'on parle de ça, mais on ne voit pas. Bien sûr, nous, il y a eu un moment où on nous a appelés pour discuter de ça, mais ça a été parti en queue de poisson. C'est aujourd'hui que j'apprends qu'il y a eu, bon, c'est de ma faute peut-être, qu'il y a eu le Conseil des ministres qui a donc adopté le projet et que maintenant il est à l'Assemblée nationale. Et notre souhait est que l'on ait ce texte pour pouvoir vraiment participer. Est-ce que vous avez un mot à placer, Olivier, vous nous disant avant que je passe le mot à la parole et à Gilbert Berko? Bon, la loi qui nous régit aujourd'hui sur le code électoral, effectivement, vous savez que c'est la loi de 2019, mais nous attendons toujours le projet de loi qui a été adopté dans le Conseil des ministres. Malheureusement, même au niveau du Conseil des ministres, peut-être j'aurai le temps d'exprimer qu'au niveau du parti Iprona, que le projet qui a été voté par le Conseil des ministres, il y a des articles que le parti Iprona n'a pas soutenus parce que ça vient au lieu de faciliter la tâche. Vous n'avez pas soutenu, mais ça passe. Mais si on ne soutient pas, c'est-à-dire qu'il y a des propositions des partis politiques, le Conseil des ministres a sa façon de faire. Mais c'est pas user seulement la force, mais c'est d'écouter effectivement les partenaires au niveau des élections, les parties prenantes au niveau des élections, parce qu'il y avait des propositions données par les partis politiques, mais aussi d'autres acteurs politiques. Alors on devrait en tenir compte, mais malheureusement, on a tout oublié, peut-être, c'est pas même oublié. On a regardé à côté, on a introduit... Et vous attendez peut-être à des changements L'espoir, c'est dans l'Assemblée nationale. C'est dans l'Assemblée nationale à voir comment l'Assemblée nationale et le Sénat, au niveau du Parlement, les partis politiques et d'autres intéressés peuvent donner leurs propositions au niveau des commissions pour qu'effectivement, au niveau des votes de loi, on tient compte des idéalités de la population burundaise. Une question à vous, Gilbert Bekonjangwa, représentant légal de l'ONELOP Burundi. Quelle échéance possible ou raisonnable pour la mise en place d'un code électoral avant les élections? Aujourd'hui, il nous reste des mois ou une année. L'échéance est possible pour qu'il y ait cette loi électorale? Bon, je vais faire le tour de table avec la même question. L'ONELOP Burundi, d'abord, dans ses missions, est à l'œuvre pour contribuer de manière significative à l'éducation civique et électorale, base angulaire de toute élection libre, transparente et incontestable. Et ça, c'est la mission. Mais l'attention particulière de l'ONELOP Burundi est de pouvoir soutenir les élections démocratiques. Maintenant, comme observatoire, nous pouvons dire que les échéances, ce n'est pas l'ONELOP qui doit donner les échéances électorales, mais c'est la loi. C'est la loi organique qui est le code électoral qui sera promulgué prochainement, mais qui semble tarder maintenant. Justement, il y a des partis politiques qui disent que ce code électoral tarder, donc Bon, ce n'est pas grave parce que la loi organique numéro 1/11 du 20 mai 2019 portant code électoral a pour objectif d'abord, donc tout code électoral a pour objectif de définir les règles relatives à des élections régulières et permettre à la CENI d'en déterminer les modalités pratiques. Donc, l'ordre des élections d'abord est fixé aujourd'hui en 2025, élection des députés, les élections des conseillers communaux, les élections sénatoriales, les élections des membres, des conseillers, des conseils de colline ou de quartier. Oui. Et de quartier. C'est-à-dire que sans la loi, rien ne peut, ne peut se faire. C'est-à-dire que la CENI n'a pas l'outil qu'elle peut utiliser pour organiser les élections générales. Est-ce que vous estimez que la mise en place du nouveau code électoral est une urgence ou pas aujourd'hui? Bon, oui, en tant qu'observatoire des élections, nous sommes obligés de faire un plaidoyer pour attirer l'attention des acteurs et intervenants dans le processus électoral au fait de mettre en œuvre sans tarder les mécanismes adéquats. Alors, il y a un retard considérable maintenant sur la préparation des élections de 2025. Nous pouvons maintenant demander à ce qu'il y ait le fichier électoral, et le code, plutôt le calendrier électoral. Les deux ne peuvent pas être établis sans la révision du code électoral. Or, cette révision tarde à venir. Moi, je pense qu'il faudrait faire vite pour que la nouvelle loi électorale et la nouvelle loi communale puissent avoir le jour. Faire vite pour que ce code électoral puisse être mis en place, c'est aussi votre souci, cher responsable des partis politiques. Rendez-vous, honorable Sylvestre Bicondiaba. Je dirais que c'est plus qu'urgent. Je me souviens que lorsque le gouvernement mettait en place la loi sur le découpage administratif, il invoquait toujours la concordance entre celle-là et le code électoral. Ah oui, et ce n'est pas pour rien donc qu'ils ont fait le découpage. Et moi je me dis que lorsqu'on est en train de préparer une loi sur le découpage administratif, les mêmes qui organisent ça ont déjà une notion de ce que ce sera le code électoral. Ça c'est certain. Et voir qu'il vient de se passer toute une année, c'est incompréhensible. Ah oui. Sinon, les partis ne savent pas sur quelle base jouer. Jouer, ah oui. Le code électoral, avant les élections de 2020, le code électoral a été mis en place, je crois, c'était le 20 mai. C'était en mai 2019. Et aujourd'hui, on n'est pas encore abouti à ce mois de mai. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a encore du temps? Pas du tout, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il est intervenu entre-temps un autre critère, un autre élément, le découpage administratif. Vous imaginez, 200, presque 20 communes à 42. 118 40, à 42. Et de 18 provinces à 5. C'était je crois, 119. 119 communes. C'était 119. 119 communes à 42. À 42. Et 18 provinces. Presque entières. 18 provinces à 5. À 5, moins d'un tiers. Imaginez-vous. Donc, et encore, c'est devenu très vaste. La situation devient de plus en plus finalement. Donc, on ne sait pas comment va être le code électoral, comment vont se répartir les députés, les conseillers communaux, etc. Mais c'est, sans cette base, les partis ne savent pas par quelle priorité. Et les partis politiques, je pense que vous êtes associé pour élaborer ce projet. Et quelle serait alors votre contribution aujourd'hui? Bon, je dois vous dire qu'en octobre 2023, il y a une séance où le ministère de l'Intérieur a invité les partis politiques à une réunion juste pour le code électoral, plutôt pour le projet du code électoral. Et il y a eu une première séance dans un avant-midi et nous avions eu la chance d'avoir, par des moyens autres que publics, d'avoir le projet qu'ils allaient nous expliquer. Nous avions déjà préparé, au fond des bouts du moins, nos considérations, nos observations. Et apparemment, ils ont été surpris parce que c'était des propositions pertinentes, des observations pertinentes sur le code, le nouveau projet. Probablement que c'est pour ça qu'ils ont omis, ils ont annulé la séance qui devait suivre l'après-midi et ils ont dit... Nous avons compris vos propositions, on va en tenir compte. Malheureusement, je viens d'apprendre que pas mal de ça... Et l'avant-midi, c'est terminé, donc. Oui, oui. Ils étaient en pause. Mais au lieu de retourner dans la salle, nous avons été annoncés que c'est terminé. Donc c'était déjà un premier tricherie. Est-ce que là, le parti IPRONA a été associé, honorable Olivier Gomez-Issa? D'abord, les partis, tous les partis politiques qui sont agréés, ils sont bondis, étaient invités pour dire que le parti IPRONA aussi était là. Et les partis politiques avaient quand même contribué, malgré le temps qui était là. Nous avons d'abord essayé de mieux comprendre quelques informations qui se trouvent dans le projet code électoral. Là, je trouve qu'il y avait quand même des éléments à saluer quand on disait qu'on va diminuer le nombre des membres du conseil communal jusqu'en 25. Pour nous, ça reste à savoir que même dans l'Assemblée, ça restera comme ça. Mais ce que nous avons salué... Ils étaient à combien, avant, c'était, on disait que c'est égal au nombre de collines. Mais en regardant la grandeur de la commune aujourd'hui, et ça sera au moins 200 personnes parce que la commune a grandi. Si on gardait là le même code électoral qu'on disait que c'est autant de membres de communes et sera égal au nombre de collines, vous voyez avec... Et avec donc son nouveau projet, c'est mais 25. Mais c'était bien précisé, c'est à 25. Ouais. Ça, si ça restera comme ça, ça sera une grande chose. Mais aussi, il y avait d'autres choses que les partis politiques avaient demandé. C'était vraiment les dossiers de candidature. C'était vraiment des choses très nombreuses qu'on demande à un candidat qui est, par exemple, dans une colline très lointaine pour venir chercher, par exemple, un extrait de casier judiciaire, venir ici à Bujumbura pour chercher ça. C'est un problème. Alors, on avait demandé de savoir qu'on peut quand même chercher en d'autres documents pour remplacer ce genre de documents qui demande à une personne lambda de quitter Tchendajuru pour venir ici à Bujumbura, payer son ticket, passer toute une semaine. Ça, c'est très difficile. Alors, il fallait quand même qu'on analyse ce genre de dossier. On n'a pas voulu que, effectivement, les personnes qui sont poursuivies par la justice soient des hommes qui sont élus, mais on avait dit qu'il faut au moins demander aux élus et non aux candidats. Si une fois élu, il faut demander pour déposer le dossier, il fallait prouver cela. Mais aux candidats, non. Autre chose que nous avons vu, c'est l'article 224, si ce n'est pas changé, qui demande les punitions de 8 millions à environ entre 8 millions et 4 millions, qu'on va punir pour tous les médiums ou toute personne qui propage par des canaux de communication sur les réseaux sociaux, des messages susceptibles de compromettre le projet. Alors, ces messages, il fallait définir très bien pour qu'on évite la globalisation parce que c'est subjectif. Et quel genre de message? Quel genre de message? Autre chose, c'est sur le chef de colline. Le chef de colline, il y avait des critères qui sont subjectifs parce qu'on disait qu'il doit être un homme... Ou une femme. Oui, intégré comme ça. Mais il fallait définir, parce que pour juger que cet homme est intégré ou comme ça, nous avons vu que dans les élections passées, beaucoup de gens ont été éliminés suite à des critères que les gens disent cet homme, c'est comme ça et comme ça. Il fallait être bien précis dans le code électoral. Mais nous avons salué effectivement que, bien sûr, dans le projet de code électoral, qu'au moins on a mentionné que le chef de colline doit connaître lire et écrire. Par exemple, dans les élections passées, on pouvait élire une personne qui ne savait pas même lire, qui ne sait pas écrire et lire. Ça, c'était très, très compliqué. Autre chose qu'on avait vu, c'est les 2% qu'on demande au niveau des élections. Au niveau quand les communes étaient au nombre de 119, vous voyez que quand on demande 2% avant de compter les voix, c'était normal. Mais avoir la grandeur de la commune, continuer à demander les 2% avant de compter les voix dans un parti politique, dans une commune, ça sera aussi la façon de mieux. Autre chose pour terminer, peut-être on va y revenir, c'est caution. La caution plutôt. On va peut-être Y arriver. Aussi, ça, nous avons contesté ça parce que quand on avait proposé, on avait gardé à 30 millions pour le candidat président. Et on avait dit les 200 000 qu'on demande au conseil communal, ça vient alourdir et rendre les élections difficiles aux certains partis, parce qu'il y a des partis. Là, on va y arriver. Et comment donc pour tout, on parle de ce retard ou pas du code électoral. Est-ce que vous estimez que c'est une urgence? Comment tenant compte, effectivement, moi je vais expliquer ça de deux manières. Conformément à la loi, on dit, si je ne me trompe pas, c'est 3 mois ou 6 mois avant les élections, il faut que le code électoral soit prêt. Alors, en tenant compte du temps qui reste, vous voyez qu'il y a encore du temps. Mais le problème est quoi? C'est qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des lois qu'on a votées, surtout la loi qui met en place le redécoupage administratif, la loi. Alors, au niveau des partis politiques, suite à tous ces changements, qu'on doit s'adapter, s'ajuster, informer nos membres pour quand même savoir comment on va faire la circonscription électorale, il fallait que le code électoral soit prêt avant pour qu'effectivement, nous aussi, nous les acteurs politiques, et le temps d'aller chez nos militants pour leur expliquer et vulgariser le code électoral avant, effectivement, pour qu'on ne soit pas bousculé et organisé d'une façon qui n'est pas du tout conforme à cette loi qui sera élue, qui sera plutôt votée, alors que les membres des partis politiques et d'autres acteurs n'ont pas eu le temps de s'en approprier et de vulgariser auprès des membres. Alors, nous demandons alors à l'Assemblée nationale, parce que nous avons entendu que la loi est là, le projet de loi, que prochainement, au moment où il y aura l'entrée de cette session, que ça soit la première loi qui doit sera votée. Vous êtes donc informé aujourd'hui que... Oui, je suis informé. Oui, je suis informé parce que les parlementaires sont là pour le peuple burundais. Nous avons droit de leur poser la question de savoir où on en est avec cette loi. Alors, ils nous ont informé que la loi est sur la table des commissions. Là, donc, si la loi est sur la table des commissions, de la commission, donc c'est bien, n'est-ce pas, Gilbert Bécon-Jangwa, au niveau de l'Assemblée nationale, si c'est ainsi? Oui, c'est une bonne chose que la loi soit à la table de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est elle qui doit faire une diligence, une rapidité, pour pouvoir envoyer cette loi à la présidence de la République, mais de toutes les façons, le retard n'est pas vraiment... C'est pas alarmant. Ce n'est pas alarmant. Et nous pouvons... Vous savez que, en principe, les députés sont élus en fonction... Je ne sais pas si ça a changé, mais les députés sont élus en fonction de la population dans certaines circonscriptions. Alors, je crois que la nouvelle loi qui détermine la nouvelle loi portant la délimitation territoriale a déjà diminué les communes, a diminué aussi les communes, les provinces. Les provinces, les communes. Alors, le code électoral est une urgence pour que la CENI puisse trouver les outils à utiliser pour l'organisation des élections. Et nous parlons tant que vous avez... D'ailleurs, ce n'est pas difficile. Il faudra faire d'autres calculs pour avoir une nécessité légère, de modifier le code électoral. Ça ne peut pas vraiment... Ce n'est pas une chose difficile. Ça peut être très vite. Même demain, on peut le faire. On parle de code électoral, mais il y a aussi la délimitation territoriale ou découpage administratif, fichier électoral, carte d'identité biométrique, on en a parlé. Qu'est-ce qui serait plus urgent que l'autre? Vous posez la question. Code électoral, découpage administratif, fichier électoral, carte d'identité biométrique, tout ça, on en a parlé. Ce qui est plus urgent, donc, c'est toujours ce code électoral ou... Non, découpage administratif existe déjà. La délimitation des provinces, des communes, des quartiers, c'est déjà fait. Bon, ce qui reste, c'est la mise en place du code électoral et de la loi communale. Alors, vous savez que les communes ont été réduites, les provinces ont été aussi réduites. En termes de nombre. Les députés, en fait, on doit mettre dans le code électoral les députés qui doivent venir issus des différentes provinces, des différentes circonscriptions. l'Europe pourrait conseiller d'ailleurs que les députés s'augmentent. Au lieu de deux par les provinces, l'Europe... Deux par province, les sénateurs. Les sénateurs. Moi, je propose 6 sénateurs par province. 6. Qui ferait au moins 6 fois 5 provinces. Hein? 30 sénateurs. C'est-à-dire 30 sénateurs. 30 sénateurs. Comme ça, ça peut faciliter le travail du Sénat. Ça peut faciliter le travail du Sénat et ça ne veut rien engager comme beaucoup de budgets. Même pour le moment, je pense que les députés sont au nombre de 35. Les sénateurs sont au nombre de 36, y compris les cooptés. Quand on met les cooptés, ça peut-être être 9 comme ça. C'est parce qu'on élise 2 par province plus et on coopte encore. Oui, merci. Alors, comme on doit aussi élire le bureau du Sénat, plus les commissions, 5 commissions, je crois, nous voyons que si on garde un peu le statu quo. Et à l'Assemblée nationale, il y a, une centaine de députés. Aujourd'hui, ça va diminuer. Ça va diminuer. Oui, ça va diminuer. Le nombre de députés. Oui, je ne sais pas combien. Maintenant. Non, le nombre de députés, c'est bien écrit dans la Constitution, c'est au nombre de 100. C'est bien écrit, il n'y a pas de problème. C'est au moins ça. Est-ce qu'on ne peut pas modifier ? Sinon, on ne va pas modifier. Ce qu'on va faire, si dans la province Gitega, Karozi avait 7, que Gitega avait 9, on va additionner le temps de... Parce qu'on va tenir compte de la population seulement. Je crois qu'au niveau de députés, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de problème. Donc, vous allez... Mais compte tenu du budget que l'État peut engager... Pour ces rendez-vous électoraux. Pas pour ces rendez-vous électoraux, mais pour le nombre de députés. Pendant 5 ans. On peut même faire un autre texte normatif pour pouvoir alléger un peu. Rien n'est impossible. Mais de toutes les façons, la Constitution est la loi fondamentale qui est la mère de toutes les autres lois. Je ne sais pas comment les honorés vont le faire. Vous aimeriez que ça soit revu à la baisse ou à la hausse ? Non. Moi, en tout cas, au niveau de l'Europe Burundi, nous ne faisons que donner des observations et montrer ce qui devrait être fait. Mais nous ne pouvons pas nous déterminer en disant on peut réduire ou on peut augmenter. Non. Isanganiro. Je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la problématique du code électoral à la veille des élections de 2025 et 2027. Au Burundi, il y a 3 invités sur le plateau, à savoir l'honorable Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, député burundais de l'East African Community. Il y a également l'honorable Sylvestre Bikorindagara, membre du comité directeur national et un des membres fondateurs du parti, Sarwanya Frodebou, ainsi que Gilbert Beko Njangwa, représentant légal de l'ONELOP Burundi. Quelle lecture faites-vous face au projet de loi électorale qui est déjà adopté au niveau de l'exécutif en décembre 2023 avec différentes observations et recommandations et au niveau des cautions, par exemple, pour différents scrutins? Je vais commencer par vous, Olivier Nkurunziza de l'UPRONA. La lecture que vous faites par rapport à ce projet de loi électorale. D'abord, comme je l'avais déjà annoncé, il y a quand même des modifications des articles, les amendements des articles qu'on avait fait, que nous saluons, effectivement, qui donnent les avantages et la facilité au niveau des élections. Mais il y a d'autres articles, comme vous venez de le dire, qui sont venus compliquer cette fois-ci la tâche. Par exemple, en tenant compte des cautions, 100 millions, alors qu'on avait quitté de 2010 de 10 millions, 2020, on a fait 30 millions. Et donc, en 2027, c'était 30 millions pour le candidat président. Et voilà qu'aujourd'hui, on a mis sur 100 millions. Oui. Les prétextes qu'on a donnés, ce n'est pas du tout convaincant. Dire que c'est pour limiter les gens qui font des candidatures fantaisistes, ce n'est pas du tout. Ce qui se cache derrière, c'est la discrimination. C'est pour discriminer surtout en tenant compte des moyens. Premièrement, je le dis, Ndada Emilio Melchior a été élu, sans toutefois qu'il a donné la caution de 100 millions. La période de Pierre Nkurunziza a été élu, sans toutefois qu'il a donné cette caution de 100 millions. Il n'y avait pas de caution. Au fait, ce qu'il faut voir, 5 millions. 5 millions en 2005. Le président actuel a été élu à 30 millions, ce n'était pas 100 millions. Ce qu'il fallait voir, c'est la personnalité, c'est ce que les projets, le programme politique qu'il présente. Alors, je le dis, tenant compte de la population burundaise, qui sont jeunes, plus de 50%, bien sûr, beaucoup de jeunes n'ont pas de moyens, ils peuvent vouloir se faire élire. Il y a des arguments qu'on dit dans un parti politique, qu'un membre cotise 1000 francs, 10 000 francs, ça c'est l'organisation interne. Mais au niveau de la loi, il faut quand même mettre des articles, parce que ces moyens qu'on cotise peuvent faire d'autres choses dans la campagne. La campagne, ce n'est pas devenir seulement candidat. Il y a des moyens pour se déplacer. Il y a d'autres choses. Alors, ces moyens peuvent faire d'autres choses au lieu de les donner comme caution. Alors, ça, c'est limiter et faire peur aux gens de se présenter dans les élections. Vous savez pourquoi? Quand les gens participent dans les élections et qu'il y a beaucoup de projets, programmes politiques, les Burundis ont quand même la chance de voir les gens qui ont donné des programmes politiques bien réalisables. Et voilà, on vient de limiter. Là, alors, nous demandons à l'Assemblée nationale et aux commissions qui sont en train d'étudier de cela. Vous allez dire que ce critère est limitatif. Oui, c'est limitatif. C'est limitatif, c'est pas seulement limitatif, c'est discriminatoire. Parce que discriminatoire. Ça, oui. C'est pour dire que les pauvres n'ont pas le droit de se faire élire. Est-ce qu'il y a des partis donc pauvres? Oui, c'est pas seulement pauvre, c'est parce que quand la population est pauvre, même les partis politiques deviennent... Oui, ça peut être ça. Il faut tenir compte de la situation économique et socio-économique du pays. Il y a des candidats députés et sénateurs qui vont donner une caution de 2 millions. Bon, pour les cautions, pour moi, ce que je compte, c'est pour seulement les candidats, surtout les candidats qui se trouvent sur la liste des députés. Ce n'est pas pour rien un problème. Parce que même quand dans les provinces, on donnait 500 000. Alors, quand on a regroupé les provinces, c'était presque le même moyen. On n'a pas vraiment grandi beaucoup de choses. Mais c'est sur le candidat président. Mais aussi, la caution de 200 000 dans les conseils communaux. Ça, c'est aussi, c'est compliqué la vie de la population burundaise. Donc, ça passe de 0 à 200 000. Oui, c'est beaucoup. Parce que ça va demander au moins plus de combien de millions par commune. Oui, là, c'est pas beaucoup, mais nous avons vu que depuis les élections de 2005 et de 1960, on n'a pas demandé des cautions aux membres des conseils communaux. Et cela n'a pas empêché qu'on élise des hommes de valeur. Alors, il faut continuer dans ce sens où il n'est pas limité la chance des Burundais de participer dans les élections d'une façon libre, sans les contraindre par des moyens. Ne pas limiter la chance ou les chances. Oui. Est-ce que c'est votre opinion, votre point de vue, honorable Biko Ndagala? Absolument. Si on se base sur les élections de 2005, où la caution pour le candidat président était de 5 millions. 5 millions. Aujourd'hui, on va dire que ça a été multiplié par 20. 5 millions, 2005. De 5 millions à 100 millions, c'est fois 20. Donc 20 ans après, 100 millions. Oui, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Même l'État aurait des problèmes à en trouver. Je vous dis la vérité. Ah oui, bon, je ne sais pas si j'ai terminé. Oui, justement, votre lecture, c'est comment par rapport à ces différentes observations et innovations par rapport à J'ai constaté que mon confrère Olivier a énuméré les points de vue qu'ils avaient exprimés. Je vais en citer quelques-unes aussi. Dans le projet qu'on nous avait présenté en octobre, on avait réduit les jours de campagne de 21 à 14 jours. Les raisons avancées, 21 jours à 14 jours. Nous avons soutenu ça. Les raisons avant, c'était deux scrutins au lieu de trois le même jour. Autre raison, limitation éventuelle des tensions électorales. Moi, je n'aime pas de ce genre de motivation qui ne tiennent pas. Tension électorale. Oui, ils avaient. Ça s'explique comment? Est-ce que je sais? Tension. Ils avaient. Tension, ils parlaient de tension. Donc, la raison, on disait limite, c'était inscrit comme ça. Dans le document qu'on avait. Dans le projet. Le projet d'octobre 2020. Non, cet argument, on va supprimer, mais nous soutenons des semaines, parce que trois semaines, c'est bon, laissez-moi parler. C'est comment beaucoup. Moi, je vais vous dire pourquoi on devrait augmenter le nombre. Maintenant. Les provinces sont la, donc les dimensions de la province. C'est toutes les campagnes. C'est pratiquement, c'est le même jour. Bon, peut-être pour les présidentielles, je ne sais pas. Mais pour les communales. Et les législatives. Excusez-moi. Pour les communales et les dimensions des provinces et des communes se sont agrandies. Mm-hmm. Vous savez que pour être élu, pour être entendu, le député, le candidat député doit parcourir toute cette contrée. Mm-hmm. Si je prends par exemple la province actuelle de Muyinga, mon confrère Olivier va partir de Guiterani tout au nord-est du pays, parcourir Muyinga, aller à Mwakiro pratiquement, et revenir pour passer à Changuzo, et parcourir pour aller au sud de Ruyigi, et il va faire ça. Et sera peut-être dans toutes les zones du pays, parce qu'il faut passer par là. Oui. Sinon, on ne va pas vous voir ni vous entendre. Non. Gardez ces 21 jours, ça ne fait rien. Mais ces explications, ça ne tient pas debout. Deuxièmement, ce que je soutiens, je l'avais déjà dit, l'article 32 interdisait les déclarations injurieuses et diffamatoires par quelque voie que ce soit à l'endroit des partis politiques. Comment est-ce qu'on peut faire une campagne sans pointer du doigt les maladresses, les manquements d'un tel parti qui était notamment au pouvoir? Parce que c'est ça qu'ils ne veulent pas entendre. Et la population a droit à savoir. Comment vous expliquez ça? Vous allez dire, par exemple, vous êtes candidat. Si vous êtes candidat de l'opposition, en fait, c'est que vous vous opposez à ce que l'autre était en train de faire. Et vous êtes obligé de le déclarer. Même du bon. Ou bien vous présentez vos projets. Même du bon. Pourquoi ça, c'est pas diffamatoire. Non, ça, ce n'est pas diffamatoire. Mais je vais vous expliquer. Mais qui va qualifier de diffamatoire? C'est on a vu beaucoup d'occas. Il y a beaucoup d'occas. Vous avez injuré le chef de l'État. Parce que juste, vous avez peut-être dit qu'il était habillé d'une chemise avec un bouton ouvert. Et on va vous prendre. Ce n'est pas vous qui dites qui allez qualifier ça. Ça, on voudrait que ça soit exclu. Attendez un moment. Ah, voilà encore un autre article que je voudrais qu'on supprime ou qu'on modifie. Ça fait belle lurette. Depuis 1993, où on disait, dans la mesure des possibilités du gouvernement, les mandataires désignés par les partis politiques peuvent bénéficier. Jamais ça n'a pas. Bénéficier de quoi? Oui, bénéficier d'une prise en charge. Mm-hmm. Nous voudrions que cette possibilité de bénéficier d'une soit transformée en une obligation. Et nous avons donné des. Parce que le gouvernement n'a jamais manifesté cette volonté d'aider. Tout simplement. On a donné des explications, des motivations sur ça. Parce que c'est là où, quand un parti ne peut pas prendre en charge tous ses mandataires, c'est là où vient la corruption. Voilà, ça c'est deux. Ça, on aimerait qu'on dise oblige. Il y a une. Voilà, les dispositions finales relatives aux sanctions. Comme l'a dit mon confrère Olivier. Les sanctions ont été encore rendues plus graves, alors qu'ils étaient déjà graves. Nous proposons que... Il y a sanctions quand il y a infraction. Non, mais ces infractions sur le code, c'est devenu plus grave que le crime de meurtre. C'est vrai, c'est puni sévèrement. Alors nous proposons qu'on se limite déjà aux sanctions qui était de 2019, qui était déjà très grave. Nous les avions contestés. Autre chose, nous proposons que l'article qui, depuis 2015, a été cité comme ici, que les frais nécessaires à l'organisation des scrutins prévus par la présidence sont à charge de l'État, ainsi qu'une contribution éventuelle de la population. Ce dernier membre de la phrase, il faudrait le supprimer. L'État, il a 5 ans pour préparer les élections qui viennent, alors qu'il prévoit ça dans les différents taxes, mais pas. Surtout que ces mêmes contributions, généralement, finissent dans les poches de celui qui est en train de les... Voilà. Excusez-moi d'être un peu très dur, mais je connais l'État. Est-ce que M. Gilbert Bécaud, Jangwa, vous avez quelque chose à dire? Ça, c'est trop demandé à la population. Cette lecture par rapport à ce nouveau projet, à ce projet de loi, on dit, on apprend ici même qu'il se trouve au niveau de l'Assemblée nationale, mais il a déjà été adopté au niveau de l'exécutif. On a parlé surtout, on a beaucoup insisté sur la caution au niveau de l'élection présidentielle. Bon, le projet de loi existe, il est là. Bon, on n'a pas beaucoup de commentaires parce qu'on ne le connaît pas déjà. On ne sait pas où les députés en ont pour amender le code électoral. Alors, mais sans révision du code électoral, on ne peut pas organiser les élections. Bon, ça c'est un. Deux, concernant les dispositions qui ont été lues par les deux honorables devant nous, et connaissent ça parce qu'ils ont été au moins invités par le ministère de l'Intérieur pour des explications. De l'Intérieur d'avoir fait c'est ça. De gestes, ça, c'est une bonne chose. Ça devrait être continuel et pour les autres acteurs, pour les autres parties prenantes. Alors, je pense que tout ce qui est en train d'être relevé comme défi devrait être aussi réanalysé pour voir comment changer cette situation. Parce que ce qui est des sanctions, aucune organisation générale des élections dans le monde ne prévoit pas les sanctions des candidats qui se comportent mal ou bien qui radicalisent, qui sèment la terreur, par exemple, au moment de la campagne électorale, qui peuvent aussi radicaliser, donner des mots pour la polarisation des opinions au sein de la population, ou la radicalisation de la population. Tout ça, ça doit être prévu, des dispositions qui peuvent sanctionner. Mais quand même, cette peur de notre honorable... Ce qu'on nous demandait sur les sanctions, ce n'est pas de se dire que les sanctions ne peuvent pas être... Non, il faut que les sanctions soient là. Oui. Mais que ça soit bien détaillé, c'est ça. Que ça ne soit pas des choses qui, une fois on est en train d'interpréter, on peut se cacher derrière pour dire « tu as fait ceci », alors que ce n'est pas bien mentionné dans le code électoral. Il faut que ça soit bien éclairci pour dire que des actions susceptibles de perturber. Quelles sont ces actions? Tu peux dire quelque chose et on dit tu as fait ceci. Alors, il faut les énumérer. Il faut les énumérer. Pour que ça soit bien clair, afin que, effectivement, les gens qui veulent punir les gens ou les stopper dans les élections ne se cachent pas devant, derrière un article qui n'était pas bien éclairci. Vous pensez qu'il y aura des candidats qui pourront s'auto-censurer dans leurs propos pendant les campagnes électorales? On ne peut pas s'auto-censurer quand tu as un projet. C'est la même question. Ce que l'honorable Olivier vient de dire, et moi je soutiens. Mais moi ce que j'ajoute, c'est de ne pas aggraver encore ces sanctions qui étaient suffisamment graves avec le code actuellement en vigueur. S'il vous plaît, mais pourquoi vous insistez tellement sur de graves sanctions jusqu'à l'emprisonnement de 20 combien pour avoir dit que. Non. Mais il faut prévenir. Non, ce n'est prévenir. Pas question. Non, ça, c'est amené à l'autocensure. Et ce qui n'est pas bon. L'autocensure, c'est quoi? Pour nous, ce que nous allons dire, ce que nous sommes convenus, c'est dans le code de conduite. On dit qu'il faut éviter les discours de haine et de quoi. Mais quand tu es en train de pointer le doigt sur ce qui n'a pas été bien fait, La personne ne doit pas dire que tu as humilié ou injurié une personne, alors que ce sont des faits réels constatés par tout le monde. Qu'est-ce que vous dites à propos de ces sanctions prévues ? C'est drôle. Moi, je soutiens d'abord que le code électoral soit clair sur les sanctions à donner à celui qui est en train de semer des désordres pendant la campagne électorale. Donc, en principe, on devrait normalement énumérer chaque sanction et mettre aussi, par exemple, l'amende, l'amende qu'il doit payer. Ce n'est pas seulement la prison. Et il y a des infractions mineures qui ne peuvent pas peut-être pousser le détenteur de la loi à envoyer quelqu'un en prison. Hein? On peut le ramener seulement à l'ordre. Mais je soutiens que certaines dispositions qui sanctionnent ceux qui peuvent faire des discours de haine, comme on l'a fait en 1993 par exemple, vous avez vu, si vous étiez là, vous avez vu comment l'offre debout et Eli Prona se comportait à ce moment-là, c'était grave. Hein? Bon, parlons un peu de l'inclusivité. Mais aujourd'hui, oui. Inclusivité. Et vous estimez que ce projet de loi électorale aujourd'hui est inclusif à quel degré, à quel niveau? Bon, je vous ai dit quand on parle de caution pour le candidat présidentiel, pour le candidat président à 100 millions de francs burundais contre 30 millions pour les échéances de 2020. Bon, tout ça c'est consensuel. Ce sont des conventions entre les parties prenantes. Bon, c'est-à-dire les membres des partis politiques, les présidents des partis politiques qui doivent discuter avec le ministère de l'Intérieur pour voir comment réduire le montant. Le ministère n'a rien à faire. Pour le moment, c'est l'Assemblée nationale. C'est déjà ça. Adopté au Conseil des ministres. Alors, il faut que l'Assemblée nationale écoute nos doléances. C'est ça, je conseillerais aux membres des partis politiques d'aller demander à l'Assemblée nationale pour donner leurs observations et leur demande. Mais pour moi, je le dis et je le répète, même honorable Olivier l'a dit, bon, avoir 100 000 membres qui contribuent au moins chacun 1000 francs pour avoir les 100 millions, ce n'est pas beaucoup du tout. Et avoir 10 000 membres d'un parti politique qui veut participer aux élections participatives et cotiser 10 000 francs chacun pour avoir les 100 millions, ce n'est pas beaucoup. Mais au niveau de l'entente, ce n'est pas beaucoup. Ce sera peut-être pour les uns. Peut-être c'est beaucoup. Les deux honorables. Peut-être c'est beaucoup pour les uns. C'est peu pour les autres. C'est beaucoup pour les uns et c'est peu pour les autres. Mais de toutes les façons, cela ne peut pas être une entrave. Mais ce qui peut être quand même un défi, c'est au niveau des jeunes qui ont 25 ans et qui veulent participer au présidentiel. Ils ne peuvent pas avoir 100 millions. Le par exemple, c'est là que se fait élire à 20. On se fait élire. Candidat président, le PEPA se fait à 25, c'est au moins 40 ans. 40 ans, d'accord. Mais ce n'est pas nécessairement qu'on est riche à 40 ans. Ça, aussi. Ça ce n'est pas de la richesse. Voilà. Pour accéder au poste du président. Mais au niveau des députés, c'est 25 ans. Oui. Je posais la question donc à propos de l'inclusivité. Oui. Sylvestre Vicorindagara, inclusivité ou pas? Non, c'est exclusif. Monsieur Honorable Olivier l'a dit. Ces mesures concernant le montant de la caution, ce n'est pas inclusif dans la mesure où tous les partis n'ont pas été associés à l'élaboration de ce code. J'allais y ajouter les retards qui se font, mais ça, ce n'est pas question d'inclusivité. Mais les cautions, le montant des cautions, la non-participation et la non-tenue en considération de ce qu'on a pu présenter comme argument ou commentaire sur le projet. Ça, c'est vraiment, ce n'est pas de l'inclusivité. Quelque chose. Je peux... Vous voulez en dire quelque chose? Oui, oui. Bon, je voudrais quand même dire que ce qui est important dans cette période préélectorale est que tout Burundais se donne comme noble mission d'être acteur majeur pour des solutions pratiques qui privilégient l'harmonie des citoyens dans la quête perpétuelle de se choisir des dirigeants compétents et légitimes et pris de l'avenir de génération en génération, aux générations futures. Peut-être que vous m'avancez par rapport à la question que j'allais local, poser. Véritable femme et homme politique. Donc, comment donc procéder pour qu'il y ait des élections, nous parlons d'élections inclusives, crédibles, dignes de nom en 2025 et 2027, comment procéder? Donc, un appel peut-être à différents niveaux. Bon, ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait d'abord la loi, qui est connue par tout le monde, publiée. Son code électoral. Mmh. Et la loi communale, connue par tous les Burundis. Mmh. Et après, nous allons axer notre intervention sur l'observation des élections, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, et la sécurité, la démocratie et le développement durable du pays. C'est ça, en fait, ce qui est important pour tous les acteurs. Mais cherchons d'abord la loi. C'est ça, la préoccupation actuelle. Il faut avoir de la loi. Ça, c'est un outil fondamental qui doit être à la portée de tout le monde. Au lieu de penser ou avoir de... Peut-être on est en train de réfléchir sur ce qui n'existe pas. Parce que la loi n'est pas encore là. Et on est en train peut-être d'avoir des soupçons. Le projet est là. Et chaque parti a droit de donner sa contribution. Ces contributions peuvent être acceptées ou pas. Ces propositions n'ont pas été acceptées, c'est là où un des membres qui ont donné de certaines observations qui n'ont pas été mises en considération. Et c'est là où il peut dire non, ça, il y a des dispositions discriminatoires, ça doit changer, mais il faut le faire avant. Il faut le faire avant. Il faut aller à l'Assemblée nationale pour au moins demander où vous en êtes avec ça. Nous avons déjà lu le projet, voilà ce que nous demandons pour au moins le bien de tout le monde et la participation de tout le monde aux élections de 2025. Merci. La parole à vous, honorable Sylvestre Révi Kolindagara du parti Sahorania Frodebou. Ce qui doit être fait, par qui? En fait, si on se réfère où en est maintenant la procédure d'adoption de la loi, du projet de loi, je crois que ce que demande M. Beko aux partis politiques, d'aller à l'Assemblée demander. Moi, je crois qu'on devrait plutôt le demander à l'Assemblée, ici même. Oui, donc, demander à la Commission, parce qu'ils peuvent travailler comme ça. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas. Qu'ils nous invitent, si vraiment ils sont conscients de la manière de l'inclusivité qui doit être observée, et de la considération, de tenir en considération, d'entendre, ne fût-ce qu'entendre les craintes et les considérations des uns et des autres. Donc, qu'ils nous invitent, qu'ils invitent les parties prenantes et aller s'expliquer devant la commission, avant que ça n'aille. Sinon, quand la loi est déjà adoptée, bon, on doit s'y conformer, mauvaise ou pas. Voilà. Olivier Mourounzeza de l'UPRONA. Ce qui doit être fait pour qu'il y ait des élections crédibles, inclusives et dignes de nom. D'abord, dans l'élaboration de lois, il y a les procédures. Il faut écouter toutes les doléances des parties prenantes. C'est ce que nous avons déjà fait. Mais le constat est que dans le Conseil des ministres, on n'a pas tenu compte de nos propositions. Mais ce n'est pas très grave. Il faut d'abord qu'au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, on en tienne compte pour qu'effectivement, tous les parties prenantes trouve que cette loi qui sera effectivement votée par l'Assemblée nationale, que tous les partis prenantes voient leur contribution. Parce que ça va aider dans les élections de 2025 et 2027. Autre chose, il faut que cette loi soit votée très rapidement. Parce que nous sommes en train de dire que ce n'est pas très tard, mais Nous avons vu que la CENI a déjà lancé une invitation pour l'éducation électorale, mais ils vont se baser sur quoi? Il faut qu'effectivement cette loi soit là pour que les partis politiques aussi commencent à vulgariser, à enseigner cette loi pour que effectivement tout le monde comprenne le contenu du code électoral. Autre chose que nous demandons, il faut que aussi la CENI doit mettre en place des démembrements, leur démembrement dans les différentes communes, dans les différentes provinces. Il faut tenir compte de la composition pour que ça soit effectivement les couches de la population burundaise, les partis politiques, la société civile soient là, qu'on ne trouve pas seulement les partis au pouvoir qui sont très majoritaires, parce que ça a créé des grognes. Nous l'avons déjà signalé, il faut effectivement qu'ils en tiennent compte dans la mise en place de ceci et de ceci. Autre chose, c'est les moyens. Le gouvernement est en train de, bien sûr, de planifier dans le budget les moyens des élections qui ne viennent pas à la dernière minute pour demander aux Burundais de contribuer. Nous pensons que les moyens qui vont organiser les élections sont là. Mais aussi, nous avons constaté, comme Beko est ici, c'est un observateur dans les élections, nous avons vu que dans les élections de 2020, on n'a pas permis aux observateurs internationaux de venir ici au Burundi. Il faut que cela, effectivement, qu'on donne la permission aux observateurs internationaux de venir. La cause était Covid, mais pour le moment, il n'y a plus de Covid. Vous avez des craintes? En tout cas, qu'on ne crée pas autre prétexte, mais que tout le monde soit ici. Mais il y a des transparence internationaux et nationaux aussi. Et nationaux. Nationaux, au niveau national, on n'a pas empêché personne. Péco était là, tout le monde est là. Mais au niveau des mandataires, il faut qu'effectivement, il y ait un soutien de moyens pour les mandataires. Parce qu'on le dit qu'on peut le faire ou pas, mais on voyait que c'est une nécessité pour aider les mandataires qui passent toute une journée au bureau de vote pour qu'effectivement, si le gouvernement c'est possible, ou les partenaires peuvent aussi aider pour quand même aider les partis politiques à avoir des mandataires sur les bureaux de vote. Merci. Merci. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos invités, et Olivier Ngurunziza, président du parti UPRONA, député burundais de la communauté est-africaine, honorable Sylvestre Bikolindagara, un des membres du bureau du comité directeur national et un des fondateurs du parti Sahwanya Frodebu, ainsi que Gilbert Bekon Jangwa, président et représentant légal de l'ONELOP Burundi. Merci aussi à l'équipe technique, le duo François Akimana et Innocent Pibonimana. Médard Nyonguru était à la réalisation et à la présentation. Vous étiez avec Léonce Vitalio. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.